Chez Service financier Jacqueline Doucet, notre mission est de vous aider à atteindre l'indépendance financière. Grâce à des stratégies personnalisées, nous sommes en mesure d'optimiser votre situation financière en vous proposant une planification complète en placement et en assurance. Pour rencontrer une équipe dynamique et professionnelle, composez le 418-276-6170. Toute l'équipe de Service financier Jacqueline Doucet est fière d'acheter localement pour protéger nos emplois et notre économie. On va parler de patinage de vitesse sur courte-piste. Il y avait deux compétitions. Il y avait la Coupe du monde de patinage de vitesse. Je devais parler avec François-Olivier Robert. Ça va être demain, finalement. François ne pouvait pas. Une puits médaille pour nos athlètes. Mais on va parler quand même avec David Simard, puisqu'il y avait une autre compétition de patinage de vitesse majeure en fin de semaine. Salut, David. Bonjour. David, c'était la première compétition... deuxième compétition, c'est-à-dire en fin de semaine, c'est ça? Oui, c'était à la deuxième compétition de notre circuit élite, donc le meilleur circuit au Canada. Donc, c'était une compétition quand même d'envergure importante. C'est un peu la dernière compétition avant d'aller aux qualifications nationales. Pour certains patineurs, surtout sur le côté masculin, il y avait des patineurs qui exécutent des temps en fait pour se classer pour la qualification nationale au début novembre. Et les autres patineurs, en fait, là, du côté féminin, devaient plus un peu parfaire leur tactique, puis leur entraînement, puis leur course en vue de cette compétition. Okay. Eux autres sont déjà préclassés au niveau féminin. Là, il y a Maud Tremblay, Catherine Maillot, Mélanie Gay et. Marianne Gay. Marianne Gay, oui, et qui était présent. Oui, c'est ça. Donc, parle-moi de ces résultats. Je vais commencer par l'ordre. En fin de semaine, il y a eu quand même beaucoup d'athlètes de l'équipe nationale, dont Joanne Gervais de Jonquière qui était présente. Donc, le cadet est un petit peu plus relevé que la cadet à Sherbrooke. Il y avait environ 5 filles de plus que les autres places. Donc, Léonie Bradette, elle, a fait la meilleure des filles un peu, qui est originaire de Saint-Félicien, qui est arrivée en 14e position. On a eu après ça, du côté féminin encore, Catherine Maillot. Donc c'est une bonne performance pour elle. Elle est arrivée 17e, originaire de Saint-Félicien. J'ai Maud Tremblay qui s'entraîne encore dans la région. Les deux autres filles, eux, s'entraînent avec le Centre régional d'entraînement à Montréal. À partir des autres filles, ils s'entraînent ici encore dans la région. Okay. Donc j'ai Maud Tremblay de Dolbeau qui est arrivée 18e. Marianne Guy, 34e. Mélina Tremblay de Saint-Félicien, qui est arrivé 42e. Il y avait environ 70 filles là, au total, là, où on regarde au classement. Là. Fait que c'est quand même bien. Mélina et Marianne, c'est des jeunes filles, eux autres, qui commencent dans ce circuit. Fait que sont à faire un peu là, ce niveau-là. Les filles, eux, de Maud Tremblay, Catherine Maillot et Léonie Bradette, eux, sont en train de patiner avec les filles de l'équipe nationale. Pour eux autres, c'est-tu bon, Marianne? Tu penses que tu viens de répondre? Marianne. Maud Tremblay, Catherine, c'est-tu bon pour eux autres? Oui, ou... c'est ça. Parce que, tu sais, c'est dur. Eux, ils se patinent avec des personnes, exemple, ils peuvent avoir 26 ans sur la ligne de départ. Fait que les patineuses ont quand même... c'est parmi les plus jeunes, là, si on regarde ça. C'était l'équipe B. Ils patinaient avec l'équipe B, là. Ils patinaient avec... un peu l'équipe de relève, oui. Ouais. On pourrait appeler l'équipe B, du côté masculin aussi. C'est l'équipe un peu... sont arrivés, mettons, 5, 6, 7, 8, là, 9, 10 là, de l'équipe nationale qui était présente. C'est l'équipe de développement puis l'équipe nationale qui est avec. OK. Donc, il y en avait-tu d'autres également, des performances à signaler? C'est sûr qu'on est plus porté vers le haut du lac. C'est là. Ça, là. C'est sûr qu'on monte. Mais eux, ce qu'ils ne disent pas dans ce système-là, on a un système par groupe. Fait qu'un peu jusqu'à la 24e position, c'est un peu des patineurs qui étaient dans le groupe 1, là, le groupe élite. On avait d'autres, là. OK. C'est ça. Bon. On avait quand même plusieurs choses. On a quand même des bonnes performances là, du côté. Ben, tu sais, comme Joanie Gervais de Jonquière, présentement, est arrivé 4e. Ça va très bien. Puis nous autres, ça nous a permis un peu de voir aussi comment que ça allait se classer aux qualifications nationales, vu qu'il y avait certains patineurs. Fait que, tu sais, comme je regarde, là, aussi à la qualification nationale, on a la possibilité peut-être d'un top de 2 ou 3 top 10 chez nos filles, là, si je regarde les filles qu'on avait présentes. Fait que, tu sais, là, c'est exemple des Léonie Bradette, des Catherine Maillot. Des Maud Tremblay qui peuvent faire un gros top, là, un top 15 là, dans cette compétition-là facilement. Là. Okay. Ça, c'est important. Puis nous autres, on a un gros enjeu à la prochaine compétition qui est à Calgary, là, en novembre. C'est un peu pour être sélectionné pour les sélections nationales à l'hiver, dans le fond, en janvier. C'est une grosse compétition d'importance. C'est parmi les seniors. Même les filles de l'équipe nationale, sauf eux qui vont faire les Olympiques, vont être présentes. Fait que c'est quand même important. Okay. Prochaine grosse compétition, c'est quand? Donc, on part à Calgary à compter du 2 novembre, je me trompe pas les dates, c'est du 2 au 5 novembre à Calgary, notre compétition, c'est sur 4 jours. Et après ça, on en a un autre à Chicoutimi en décembre. Ça, c'est plus d'importance pour leur jeune aux filles. C'est les sélections pour les l'équipe nationale junior qui s'en vont en Coupe du Monde par la suite en janvier. Okay. Donc, on devrait avoir des 2 ou 3 filles de la région qui sont susceptibles de le être proche de faire l'équipe. Fait que ça va être intéressant de surveiller à ce niveau-là. OK. On s'en reparle, Yannick, pas Yannick, mais David, on s'en reparle très, très prochainement de ton retour de Calgary. Parfait. Merci, Danny. David Simard. Bon succès dans ton futur. Ben, bon succès, oui, en politique. En politique, c'est bien. Ben, merci beaucoup. Donc, on s'en reparle très, très bientôt. David Simard, notre collaborateur de Patinage de vitesse sur Côte-à-Bisse.